midi divertissant. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On fera vos chroniques culinaires préférées, Masterchef et une grosse pointe d'adresse. Et on achètera des choses pour ensuite les regretter instantanément dans ça existe ou ça ne devrait pas là. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante puis je dégoûte par sa console. Moi, c'est Stéphanie Paradis puis je dégoûte pas. Non, t'as un gros sweatshirt qui imbibe ben... la neige. Ouais, c'est ça. Mais c'est très drôle parce que, tu sais, j'ai un petit hoodie. Oui, oui. Puis quand je mets mon capuchon de hoodie, puis là, je mets ma capuche de manteau d'hiver, celle d'en dessous dépasse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est super confortable, mais c'est terriblement laid. Ah. Voilà. Bon, ben c'est dit. Hein, c'est intéressant. Et on est en direct, croyez-le ou non, des studios C'est fou à Trois-Rivières, en ce mercredi 10 décembre 2014. Ouais, tellement. C'est vrai, ça. Ouais. Aujourd'hui, l'émission, Steph, ouais. On a plein de choses, plein de choses, comme toujours, mais c'est surtout, comme je te dirais, en fait, principalement et seulement, et aucune autre personne que nous autres. C'est juste nous autres. Oh, oh, toi et moi. 100%. Ça va te chicaner, cette fin d'émission, probablement. On va faire à 8h30 une grosse pointe à l'adresse, la chronique, disons, malbouffe, si on veut. Uh-huh. Des choses que je me suis procurées en épicerie ou ailleurs, facile d'accès, si on veut. Hein? Je suis rendu quand même malbouffe pas mal, moi aussi. Là. Ouais, bah, pas pire, mais toi, c'est parce que t'es plus malbouffe faite maison, c'est ça l'affaire. C'est ça, la différence. C'est ça, là, parce que malbouffe, bon, OK, mais malbouffe achetée et malbouffe faite soi-même. À chier. À chier. Pas acheté, à chier. C'est pas drôle, c'est même pas drôle. Non. Toi, c'est à 9h que tu vas faire MasterChef. Tu cuisines quelque chose pour nous. Exactement. Bon. Live. Mm-hmm. Ouais, j'ai commencé, là, parce que c'est quand même long. On parle tout le long, mais tu sais, c'est ça. Elle a fait des affaires. Puis... Ben, c'est ça, je suis une fille, je suis capable de faire plusieurs choses en même temps. C'est ça. Regarde, t'es donc bien facilement insultable ce matin. Ben non, mais c'est parce que peut-être que tu faisais pas exprès pour m'insulter. Je t'ai pas insulté. OK. Je me suis valorisé. D'accord. Ah, c'est ça. Tu te remontes en rabaissant les autres. Mais non, j'ai pas dit que t'étais. C'est pas moi. Tu parlais pas de moi. Tu parlais des hommes en général. Ben non, c'est mais ça. J'en suis un. Ah, c'est vrai, t'as raison. Je suis de m'être dans la On va commencer avec 5 minutes, ça devrait prendre dans 2 secondes. Plus 5 minutes. Donc 5 minutes et 2 secondes. Ah, OK. Ouais. Parfait. Je fabrique dans ma nuit une arbalète en forme de terre. C'était Bernary et Kryushkova dans Assemblage requis, bien sûr. Ça pourrait pas être ailleurs. Ben non. Ben non, ben voyons. On est le seul poste de radio qui est ouvert à cette heure-là. C'est ça, ben oui, exactement. Voyons donc. On n'est pas les derniers arrivés sur la place par exemple, sur la place publique. Voyons donc. Tiens, justement, parlant d'arriver sur la place publique, le Père Noël va faire ça dans les places publiques un petit peu partout. Hein? Il est déjà arrivé pas mal partout, mais je veux dire dans les maisons pour venir livrer des cadeaux. Hein? Mais c'est pas des places publiques, ça. T'as bien raison. Ben, laisse faire le bas. Voici si ça existe, ça devrait pas là. T'as raison. Ben, c'est du même, t'as raison. Moi aussi, je t'aime, Mathieu. Bon. J'ai oublié qu'il était dans les centres d'achat depuis genre le début du mois de novembre. Ouais, à peu près, c'est ridicule. Bref, il reste encore quelques jours pour pouvoir acheter peut-être des choses sur Internet pour vous les procurer pour Noël. Nous sommes en ce moment quoi dans le coin du 10, dépendant d'où vous nous écoutez, mais quand même. Et aujourd'hui, Steph, étant donné que t'étais pas là les dernières semaines pour Ça existe, ça a c'est tombé... C'est vrai. Ça a mal tombé, t'étais pas parmi nous. Donc, je t'ai fait un petit bloc thématique parce que je sais que t'aimes certaines affaires qu'on mentionnait. Je sais que t'apprécies les petits êtres humains de taille petite, extra-smart, les enfants. T'aimes ça? Les enfants? Bah, pas tant. Pas vraiment? Moyen. OK, bon, ben, d'abord, on passe à autre chose. Moi, je me suis toujours dit, je vais aimer les miens quand je vais en avoir, les autres, laissez-moi tranquille. OK, je suis pas au courant de ça. En général. Ah ouais, OK. Fait qu'à là, tu veux me contredire sur chaque affaire que je vais dire, fait que je vais juste continuer comme ça. Ah, je sais pas. C'est bon. Sinon, je demanderai à Sébastien Viertin de venir faire la chronique avec moi à la place ou Laurent Constantin. En tout cas, donc, Buddies, un nouveau service qui change ou transforme les dessins de vos enfants en animaux en peluche. Ah, mais j'aime les animaux en peluche, par exemple. Non, mais c'est sûr qu'elle a dit ça. Donc, Buddies, une compagnie qui amène vos dessins à la vie. Tu m'énerves. Ah, toi aussi. Donc, c'est une équipe d'artistes de talent qui vont faire à la main des animaux en peluche en utilisant les dessins de vos enfants comme guide, comme ligne directrice. Donc, le résultat, c'est des petits jouets de 16 pouces de haut. Ils peuvent même vous recréer vous-même, dans le fond, avec une photo de vous. Vous allez pouvoir avoir une version miniature de vous. C'est vraiment cool d'aller voir les photos. Ça ressemble en effet au dessin et en plus en 3D. Donc, ils s'imaginent l'autre côté, même si le dessin n'est pas en 3D à la base. Ils sont quand même assez talentueux, je trouve. Mais on s'entend, les enfants sont quand même pas si pires en dessin non plus, là, ceux qui ont choisi. Là. C'est vrai. Donc, c'est Buddies, B-U-D-S-I-E-S. J'en veux. Ensuite, tiens, pour les familles qui manquent de place dans leur maison, dans leur appartement, vous savez, quand on a un enfant, apparemment que ça rapetisse peut-être la grandeur de votre appartement, parce qu'il y a des jouets partout, des tapis, des ça, hein, ça arrête plus. Il paraît, oui. C'est ce qu'on me dit. Donc, votre appartement qui était spacieux devient trop petit pour être confortable. Donc, c'est des meubles modulaires, oui, qui s'appellent Step Up. Donc, c'est une chaise haute qu'on peut facilement transformer en petit banc. Pour peut-être dans la salle de bain, la cuisine, peu importe, se laver les mains. Et ça devient aussi une glissoire, une glissade pour la récréation, si on veut. C'est un dessin de Raphaël Kolenko pour Up We Go. C'est pas encore disponible en vente, mais vous pouvez vous inscrire sur leur liste, sur leur infolettre, pour avoir une alerte lorsqu'ils lanceront leur Kickstarter. C'est mauve. Et vert. Mais ça a l'air glissant. Et pas glissant, non, je sais pas, c'est pas très bien. Ouais, en effet, ça a l'air glissant, la version glissade. La chaise en tant que telle a, j'imagine, des attaches pour pouvoir sécuriser. C'est sûr, mais tu sais, s'il y en a un qui c'est un petit banc, tu restes assis, là. Ouais. Tu te mets pas debout là-dedans, là. Non. Donc, t'as le petit truc pour manger dessus, le cabaret. Là. T'as un petit tiroir que tu peux faire aussi. Tu peux faire la glissade, les escaliers, le petit... Tout en même temps, c'est le système Up de Up We Go. C'est cool. Ouais. Ensuite, mettons quelqu'un serait enceinte. Quelqu'un que vous connaissez, mettons. Et la personne, ça lui dérange pas de se faire tâter à bedaine. OK. Mettons. Ben, peut-être que t'aimerais te faire dessiner sur ta bedaine. Peut-être. Bof, hein? Donc, c'est 8 petits pots de peinture pour le visage, mais bon, peinture à peau, là, comme on pourrait dire, avec une éponge, tout ça pour 20$. Et c'est par les mêmes fabricants que Pregnancy Belly Cast Kit pour se faire un plâtre de son ventre pour pouvoir garder le plâtre. Bon. Donc, c'est la même chose, même compagnie. Là, t'essaies d'expliquer à tes enfants après comment ça tu t'es cassé le ventre. Ouais. Faire ton plâtre. Ici, on dessinait de l'eau avec des petits poissons, des petites étoiles de la mer sur la bedaine de la madame. Ça, j'imagine, c'est pour une séance photo, là, ça dure pas longtemps. Là. Ben, c'est ça, j'espère. C'est de la peinture pour le visage, donc ça part au lavage, c'est sûr. Mais ça pourrait être amusant, mais se faire toucher la bedaine, je sais pas si c'est la chose la plus plaisante pour une femme enceinte. J'imagine, ça dépend par qui, là. Ben, c'est ça. Je veux dire, ça doit pas... Mais je sais que j'ai entendu des témoignages de femmes enceintes que souvent les gens arrivent et ils vont mettre la main sur le ventre de la fille, tu sais, comme « Ah! » C'est parce que « Allô? » Tu sais, je veux dire, si j'ai... privé, là, c'est de moi, là. Ça, ça reste mon corps, tu sais. Comme ton chien, tu sais, c'est pas n'importe qui peut le fêter ton chien. Ta chatte. Non, ça c'est vrai, je laisse pas tout le monde flatter ma chatte. La compagnie Infantech nous amène le produit Infantech Always in View Baby Monitor. Tu sais, quand les enfants sont sur le siège arrière de la voiture, dans derrière la voiture. Ouais, hein? Puis qu'ils font des niaiseries. Hein? Puis là, tu dis, faites-moi pas revenir à la maison ou arrêter sur le bord de la route, puis vous chicanez. Là, tu pognes le mollet en arrière. C'est ça. Pognes le jarret. C'est ça. Donc, quand tu veux surveiller tes enfants à l'arrière, mais que tu veux pas te virer puis te casser le cou, parce que bon, un accident s'est vite arrivé. Hein? Ben oui. Mais en fait, c'est une des causes d'une paralysie, ça peut être de te revirer de bord dans l'auto puis de te casser le cou, de casser quelque chose dans le cou. J'ai entendu ça, là. C'est pas un film. Faut-tu te virer en tabarouette? Faut-tu te virer en maudit puis rapidement, je me dis. Mais bref, donc le Infantech Always in View Baby Monitor, c'est pas une dashcam comme on a dans plusieurs pays qu'on voit les enregistrements sur YouTube. C'est pas la même chose. À la place, c'est un toutou à l'intérieur duquel il y a une caméra dans son nez, bien sûr, et c'est attaché sur le... le truc pour la tête, ouais, à l'arrière du siège. C'est ça, le truc en haut du dossier. L'appui-tête, voilà. L'appui-tête, c'est bien ça? Oui, où personne ne s'appuie vraiment à la tête. Non, parce que c'est tout le temps trop bas, puis etc., etc., en tout cas pour moi. Bref, c'est ça, c'est un animal en peluche. Vous pouvez peut-être hacker votre peluche de Buddies de tantôt, en forme de ce que votre enfant a dessiné, mais bon. Donc, c'est ça, et ça pointe vers vos enfants. Il y a un moniteur LCD à 3,5 pouces qui va à l'avant de la voiture pour pouvoir voir vos enfants en arrière. Le moniteur est disponible en trois styles. Il y a un petit chiot, une girafe et un singe. Pas de petite chatte, malheureusement. Donc, la caméra intérieure a même un mode vision nocturne. Et la caméra et le moniteur ont des batteries rechargeables, donc tout ça devrait être sans fil. Trois versions du Infantech Always in View Baby Monitor disponibles sur Amazon pour entre 131 et 190$. Mais je sais pas pourquoi. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas une bonne idée de le mettre en peluche. Parce que si tu dois l'accrocher derrière le siège, l'enfant, il a pas accès. Mais là, il risque de le voir, puis de vouloir le toucher, le prendre, ouais. Mais là, tu veux pas, fait que là, il pleure. Fait que c'est peut-être mieux d'être une caméra qui est plus subtile, qui attire juste pas l'attention de l'enfant, non? Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Ça devrait être quelque chose de plus monotone possible, le plus guéri possible, que l'enfant ait aucune envie de jouer avec ça. Ben, c'est ça. Comme le reste de l'auto, finalement. Genre. Ouais, bon point. Je suis d'accord. On s'est entendu sur une affaire à la... Tabarouette, mais c'est quand même bon ratio, là. Ben, c'est le ratio habituel, finalement. Ensuite, tu veux te faire un café, une tasse à la fois, Steph and I? Yes! Yes, please! Please, thank you very much, sir! Donc, il y a plein de produits pour se faire du café sur le marché, mais Coffee Gourmet nous promet une saveur supérieure grâce à la façon de préparer le café. T'insères l'appareil dans ta tasse, tu exposes le filtre un peu ou beaucoup, tu sais, comme une gradation de l'exposition du filtre. On dirait un micro. C'est vrai, on dirait un micro, tout à fait. Ou un petit screen de métal, quelque chose du de genre. De micro. De micro, mettons, si on veut. Donc, tu vas exposer le filtre. Et plus tu exposes le filtre, ça veut dire que plus d'eau va passer rapidement, ce qui va faire un café plus faible et vice-versa. Ensuite, tu verses de l'eau qui est presque au niveau de l'ébullition. Tu attends un petit peu. Dans le fond, au départ, les grains de café vont bloquer le filtre, permettant aux grains de relâcher leurs huiles essentielles. Et quand ça va faire ça, ça va aussi relâcher du dioxyde de carbone, c'est bien ça. Donc il va faire que ça va flotter vers là-dessus. Bref, ton café va commencer à entrer dans ta tasse. Tu continues d'ajouter de l'eau chaude jusqu'à ce que la tasse soit remplie. Et ça donne la tasse parfaite, nous dit-on. Le processus prend environ 40 secondes. Ça a l'air pire que c'est quand je le dis comme ça. Mais 40 secondes, c'est pas si pire. Et ça, ben non, c'est moins long qu'un thé. C'est moins long qu'un thé. Et ça empêche la surextraction et le goût amer qui va venir avec ça. Tout ça pour 16$ présentement sur... est-ce que c'est Kickstarter? Kickstarter, en effet. Donc, évidemment, s'ils se rendent jusqu'à leur but, et on va aller voir en direct, on est rendu à presque la moitié. Leur but est de 30 000 livres sterling, donc ils sont rendus à 11 000 environ. C'est le tiers, je dirais. Plus le tiers. Oui, plus le tiers. Il reste 9 jours encore. Coffee Gourmet. Ah, j'aimerais ça que ça passe. C'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment beaucoup. Moi aussi. Et mettre mon argent sur Kickstarter. C'est vraiment pas cher. Tu sais, fais-tu ça, t'as mis de l'argent sur un Kickstarter que tu sais pas si ça va marcher, puis t'as l'argent, t'as peur? Ben non. Ben non, moi non plus. Mais Colin, pourtant, je trouve ça vraiment, vraiment génial, puis c'est pas cher. Ouais. J'ai fait, pour la deuxième fois de ma vie, j'ai participé à un Indiegogo, qui est pas mal la même chose. Là. J'ai participé à l'album de Denis Janvier, Biobazar. Oui. Bon, ça, j'avais mis un petit peu d'argent là-dessus. Et là, j'ai mis de l'argent sur un truc qui va après ton porte-clé pour pouvoir brancher ton iPhone. Mais ça va sur ton porte-clé. Je suis allé te traîner mon fil, puis que quand je sors mon portefeuille, mon fil tombe de ma poche. Mm-hmm. Pis fait que, tu sais, des petites affaires de même à 10$, genre. ça me va. Ouais, c'est pas si... Ben, 16 non plus, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Mais s'il faut vraiment, vraiment que tu le veuilles, comme vraiment beaucoup. En haut, 10 piastres, c'est comme... T'as tendance aussi peut-être à regarder si ça a l'air de bien fonctionner avant de mettre ton argent. Exact. Mais c'est parce que si tout le monde fait ça, ben ça fonctionne pas. Fait... Ah! C'est la beauté de la chose. Mm. Tiens, on y va, on continue avec les breuvages, les choses qu'on peut boire. C'est, pardon. C'est une tasse de Super Mario. Oh! Mais ça ressemble à un tuyau vert avec en bas une lisière de plancher de Mario, tu sais, en pierre. C'est super beau. Ça coûte 13$. Design qui peut. Donc, c'est une tasse de 15 onces. Et puis, c'est ça. Ne va probablement pas au lave-vaisselle. Non, sûrement pas. Hey, 15 onces pour 13$, c'est quasiment une pièce longue, ça. Tu y penses? Ok. Donc, ben non, il n'y a pas de liquide dedans. T'as raison. La Super Pipe. Super Mario Pipe Mug. Ensuite, tiens, on a tous vu déjà des canettes de liqueur, pas de liqueur de bière, qui, lorsqu'elles sont froides, les petites montagnes deviennent bleues. Oui, bien sûr. Ma mère a une tasse, c'est un gars en bobette. Puis là, quand tu mets de l'eau chaude, il perd ses bobettes. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Hein? Ça peut moi, j'adore donner cette tasse-là à la visite homme. Donc, chaud ou froid, c'est le principe que vous connaissez, mais celle-là, je la trouve particulièrement jolie parce qu'elle est un peu 8 bits. C'est okay, une tasse noire avec un bonhomme qui a l'air d'être triste avec son... Ben pas son sourire, mais sa bouche par en bas, triste. Ou endormi, peut-être. Endormi, peut-être. Ses yeux sont très ressemblent à des demi-lunes, si on veut. Donc oui, il a l'air endormi. Et quand tu mets du liquide chaud dedans, ben la tasse devient bleue et son sourire s'affiche et ses yeux sont grands ouverts. Oh! C'est la 8-bit Rise and Shine Heat Mug. C'est super beau. Ça, tu mets du liquide chaud. Ouais, hein. C'est juste très beau. Voilà. Donc, c'est chez Thingeek pour 12$. Version très, très jeu vidéo, je trouve. Ça rend tellement de bonne humeur. Ah oui! Mais ça. Ensuite, une bouteille d'eau remplie de musique, Steph. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la Malectronic Rocket Speaker. En fait, le, parce que c'est un haut-parleur. Ça peut être l'air d'une bouteille d'eau. Parce que, ben, Colin, tu peux ça mettre de l'eau dedans. Ça a la forme d'une bouteille d'eau aussi, ouais. Exactement. Donc, c'est un haut-parleur Bluetooth créé pour les activités extérieures. Donc, c'est à l'épreuve de toute chute, de toute saleté. C'est protégé même contre... Même les chutes d'eau? J'oserais dire qu'il y a des chutes d'eau faibles. Ok. Probablement, oui. Donc, c'est résistant contre l'eau qui lui toucherait. Mais évidemment, pas une tempête dans une tempête tsunami. D'eau. Peut-être pas. Il y a un parleur de 6 watts et une batterie qui fournit 15 heures de musique pendant que vous êtes en promenade, en camping, en vélo, peu importe la journée à la plage. Extra range, ça veut dire que ça reste connecté jusqu'à 50 pieds de distance, n'importe quelle source audio. Donc, le Rocket Speaker entre dans un porte-verre, dans un rack à vélo. Et il y a un truc, un mousqueton pour l'accrocher n'importe où. Donc, c'est la Malectronic Rocket Speaker, disponible en noir, bleu, camouflage, orange et rose pour 110$ chez SkyMall. C'est cool, c'est intéressant, mais ça répond à aucun de mes besoins, malheureusement. Aucun. C'est triste. Sauf peut-être la soif, mais... La soif. On reste dans ce qui est buvable, mais maintenant plus alcoolisé, je pense. OK, OK. C'est le Stephen Ken Travel Cocktail Kit. Stephen King? Stephen Ken. Ah, oh, Ken. C'était ta proche. C'est plus... ouais. C'est Stephen King, mais tranché en deux pour faire Kenny, tu sais, Kenny dans les films de Stephen Ken. OK. Donc, pas besoin de beaucoup d'alcool quand tu veux te faire quelques drinks. Hein. Avec le Stephen Ken Travel Cocktail Kit. J'imagine vraiment la moitié de Stephen King en ce moment. Donc, tu vas avoir tout ce qu'il te faut dans une petite pochette. Le sac lui-même est fait en cuir. Avec un intérieur en toile élastique. Et à l'intérieur, tu trouves 9 bouteilles vides, une cuillère à mélanger et un livre. 9 bouteilles vides. 9 bouteilles vides. Faut que tu les remplisses toi-même. Ben ouais, malheureusement. Sinon, ça coûterait beaucoup plus cher que ça. Donc, une cuillère à mélanger et un livre pour vous enseigner comment faire différents drinks, 15 différents cocktails et des recettes qui viennent de certains des meilleurs bartenders du monde. Donc, c'est... est-ce que j'ai vu 275$? Oui. 275$? Puis, à ce temps, tu trouves-tu qu'à ce prix-là, il devrait avoir l'alcool dans les bouteilles? Ouais. Donc, vraiment, 9 bouteilles vides, c'est ce que j'ai vraiment vérifié, 9 bouteilles vides. Wow! OK, ben c'est en cuir, hein? Ça vaut cher du cuir, hein? Il y a des limites. C'est... Hey, quand t'as dit qu'il y avait un livre pour enseigner les cocktails, j'avais compris une olive. Une olive. Puis, je trouvais ça bizarre, mais je me suis dit, logique, tu peux te faire un martini, mais t'as une olive par paquet. Ouais. Et en fait, je suis sur le site officiel de stephenken.com et non seulement j'ai dit livre et c'était quoi? C'est plus un livret. Ah, OK. C'est minuscule pour 275$, mais bon, que voulez-vous? C'est pour les riches. On continue dans l'alcool. Vous êtes dans l'esprit des fêtes, peut-être? Esprit des fêtes? Okay, c'est oui. un spirit, en français des fois, on va dire un spiritueux des fêtes. Oh! Plus, hein? Oh! Oh! Donc, j'aime c'est ça. Le, ouais, le Holiday Spirits Shot Set, l'ensemble de quatre décorations décoratives, qui peuvent être remplies littéralement de spiritueux des fêtes et ensuite cachées dans un arbre de Noël, caché parce que ça a l'air d'une boule de Noël. Ah! Hein? Donc, c'est des petites baboches, babioles, donc colorées. Baboche, c'est quoi ça? Donc, qu'on va accrocher dans l'arbre de Noël et on va pouvoir prendre des shooters lorsque les blagues deviennent plates. C'est très drôle. C'est joli. Hein? Hey, mamie, arrête de boire le sapin. Ensuite, c'est les Bottoms Up Doorbell Dings Wine Glasses. Ça? On dirait que t'as parlé chinois, là. Bottoms Up Doorbell, c'est le nom. Voilà. Bottoms Up Doorbell. C'est des. c'est une sonnette de maison inventée par Peter Van Der Yacht. Hein? Avec un mécanisme qui frappe deux coupes de vin ensemble pour produire un son. Ouais. Donc, on peut acheter les Bottoms Up Doorbell chez Lumens ou encore Amazon pour environ 290$ américains. Ou, c'est ça, j'ai pas ouvert la page sur l'autre ordinateur, mais je pense qu'on va pouvoir l'entendre si je mets mon son vraiment au max. C'est une... C'était sur mon portable. C'était court, hein? C'est un peu court, tu vas le réentendre. Attention. Mais c'est gossant. Je trouve ça un petit peu gossant aussi. Je suis sûr à un moment donné, ça va casser. C'est pas supposé. Ensuite, c'est un tissu qui est traité pour toujours sentir le whisky. OK. Hein, qui n'a pas rêvé de sentir le Soulon à longueur de journée. C'est l'école... OK. C'est à l'université Harriet Watt, Watt University. School of Textiles and Design, l'école des textiles et du design. OK. OK. Qui sont mises en équipe avec Harris Tweed et Johnny Walker pour développer un tissu qui va toujours sentir le Johnny Walker Black. C'est une sorte d'alcool, ça? C'est bizarre. Sinon, j'imagine que vous pourriez vous verser de l'alcool dessus, mais si les risques de prendre en feu sont un petit peu plus élevés. Oui, surtout si t'es en camping, des fois, le soir proche d'un petit feu. Donc, c'est ça, c'est du tweed. Tweed, il y a des habits qui sont faits en ça. Je sais pas c'est quoi exactement le mot en français pour tweed. C'est genre de laine, si on veut, c'est toujours tweed qu'on dit en français. Moi, j'ai toujours lu tweed. Donc, le tweed avec un arôme de malt riche, de vanille dorée. Et de fruits rouges, ainsi que des petites notes de chocolat noir. Et donc, c'est fait pour refléter les couleurs des ingrédients du whisky. Odeur qui est mise en couche dans le tissu parmi le processus. Donc, c'est pas juste à l'extérieur, ça sent partout dans le tissu. Donc, c'est du tweed qui sent, qui pue le Johnny Walker Black. C'est quand même bizarre. Drôle d'idée. Peut-être à donner à un mendiant. Peut-être que ça va annuler l'odeur naturelle de l'alcool. Peut-être qu'un plus... Tu sais, quand allez, ça comprend, ça s'annule. Ensuite, vous voulez transporter votre alcool avec vous. On a déjà parlé plusieurs fois de trucs pour transporter l'alcool. Oui, parce que, je veux dire, ça prend toujours des nouvelles méthodes pour pas se faire découvrir nécessairement. Faut changer à chaque mois, sinon les gens vont s'attendre à ce que ce soit tout le temps dans... Peu importe ta cravate, on a déjà parlé de ta cravate. Oui, oui. T'es bobette, je sais pas, tu sais. Donc, si t'as un petit, une petite jambe cassée, quelque chose, t'as un handicap, ou peu importe, t'as besoin d'une canne, ta canne, flask, hidden flask, walking cane, hein? Donc, restez tout à fait mobile, même si vous avez de la difficulté à vous déplacer parce que vous êtes rendu sous, parce que vous avez bu votre canne, ça peut arriver. Donc, pour 69,90$, chaque canne est faite à la main par des maîtres... Kanye West. C'est fait par Kanye West. Ah, OK. Pour ça que ça vaut cher. C'est ça. 10 onces de votre esprit préféré, spiritueux. 10 onces, là, c'est moins que le 15 onces qu'il y avait tantôt dans peu importe c'était quoi qu'il y avait. La tasse de Mario. Donc, c'est moins qu'une tasse dans ta canne. Ouais, mais si tu considères qu'un shooter, c'est un once. T'as fait raison, t'as dit shooter. T'en fais 10. 10 shooters ou 5 double shooters? Ou 3 triple shooters? Ou un gros Call-in de shooter. Hey! Hey, parlant de shooter, ça n'a absolument rien à voir. On continue avec... en fait, on passe... Non, je pensais qu'on continue dans l'alcool, mais on passe à d'autres choses. On passe à d'autres affaires qui sont culinaires un petit peu plus. On va avec... on va terminer en fait avec celui-là pour l'instant, je pense. Ça te va-tu, ça? Ouais. Okay, donc, c'est un crayon, un stylo, si on veut, qui vous permet d'écrire et ou de dessiner avec des épices. C'est le Cinebird. Avec des épices. Ouais, ça coûte 45$. C'est présentement en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter. Donc, tu appuies sur un bouton et tu peux écrire sur ta nourriture avec les épices de ton choix. Donc, tu pourrais utiliser à peu près n'importe quoi. Peut-être de la poudre de cannelle, de la poudre de peu importe. Ils sont rendus à... Ils ont doublé, en fait, leur but et plus encore. 11 000 sur 5 000$. Le premier crayon à épices, 220 backers. Il reste encore une semaine complète. Donc, ça pourrait aller encore plus loin. C'est pour vous et vos enfants. Donc, vous mettez l'épice dedans. Et vous, vous dessinez, par exemple, peut-être sur un chocolat chaud, peut-être vous dessinez avec de la peau de chocolat. Tu comprends? OK. Ça pourrait être de la peau de cannelle sur du café. Ça pourrait être sur un cappuccino. Ouais, mais c'est parce qu'à part sur un café, on dirait que je vois pas sur quoi tu peux faire ça. Ça pourrait être de dessiner peut-être avec du poivre sur un pâté chinois. Ça pourrait être de dessiner avec du fromage parmesan en poudre sur des pâtes. Un potage, peut-être. Parce qu'à part sur un café, on dirait que je vois pas. Moi, j'en ai quand même trouvé pas mal. Du persil, tu pourrais utiliser du paprika, des betteraves en poudre. Oui, mais pour cacao. Dessiner où? Je veux dire, je sais quelles épices tu peux mettre dedans, mais ben, pour dessiner où? Eux, ils ont dessiné sur une poitrine de poulet. Une poitrine de poulet? Oui, ils ont dessiné sur un petit gâteau, un cupcake. Ouais, c'est ça, à part les desserts, je veux dire, sérieusement, là, dessiner sur ta lasagne. Ben, mais là, tu dis à part ces desserts. Les desserts, c'est une grande catégorie, là. Tu pourrais faire plein de choses avec ça. Plein de choses. Hey, je suis convaincu, hein? En tout cas, tu peux donner pour un minimum de 5$ pour les aider, ensuite 38$ pour en avoir un. 38$? 38$. Prix spécial pour un Cinebird blanc avec le shipping international inclus. Eh, Seigneur. Livraison estimée en mars 2015. Voilà. Ben, on l'aura même pas pour Noël. Hey, il n'y a jamais rien qui fait son affaire. Non! Attends, on va faire un deuxième bloc sur la nourriture et ensuite un bloc plus pêle-mêle. Est-ce que je me suis trouvé un autre thème? On s'en sac. donc, c'est au retour avec une deuxième partie de cette chronique 5 semaines. Ça devrait répondre là. Pour l'instant, ben, Colin, c'est ce que j'ai dit. C'est une pause. Hein? On revient juste après. Ce sera pas bien long. Soyez patient. Ben oui, restez là. Ce sera pas long. On s'amuse, là. T'sais, on chicane pas pour vrai. Ben non, c'est du acting. Ouais, c'est tout qu'on est vraiment en bas. On est là, pas payant. On s'en va sur le conservatoire de théâtre. Oh. Non! Je compte cette idée là, j'aime pas ça. Fou de changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Salut, c'est Danny Placard. Vous êtes sur les ondes de C'est fou. Oui, oui, c'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis en ce mercredi matin 10 décembre 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah oui. On était en plein milieu de Ça existe, mais ça devrait répondre là. On va y revenir dans quelques instants. Yeah. Mais avant ça, on a peut-être besoin d'une petite chanson. Oui, ça va faire du bien. Faut de temps en temps. On écoute. On les aime donc, c'est Until the Ribbon Breaks. Oh mon Dieu. Voici A Taste of Silver. Ça, c'est fou. On est fait, même. Gotcha. Until the Ribbon Breaks et A Taste of Silver, un goût d'argent. On a un mais goût pas, d'argent. Pas l'argent comme l'argent de poche. Non! Mais là, pourquoi est-ce qu'on retourne à ça existe, mais ça ne devrait pas on l'a... Parce qu'on n'est pas bilingue! OK! Ça goûte quoi l'argent par contre? T'sais? Sûrement la drogue, les microbes. Je sais pas, mais les... il n'a pas d'odeur. Non, ça c'est vrai ça. Mais pourtant, ça goûte ce que ça sent d'habitude. Fait que... Donc ça goûte la drogue, puis ça goûte les microbes, ça sent la drogue puis les microbes. En tout cas, on continue notre bloc thématique sur la nourriture et sur les choses à boire, en fait, plus boire que manger dans ce cas-ci, avec des cubes de glace à lumière LED. Ça okay. a vraiment cheesy kitsch, hein? Ouais, vraiment. Et ce, pour 12$, vous pouvez vous procurer ces blocs. C'est aussitôt qu'ils touchent au liquide, ces cubes vont s'activer et briller d'une multitude de couleurs. C'est parfait pour améliorer n'importe quel verre ou boisson. Mais là, c'est pas en glace, là. C'est juste pas comme, en glace. C'est comme des cubes frigorifiés. Là. C'est des cubes frigorifiés. En fait, est-ce que c'est des cubes frigorifiés? Ça le précise pas dans l'article. Est-ce qu'ils deviennent sûrement, froids? Sinon, c'est pas des cubes de glace, là. Attends un peu. N'est pas recommandé pour les... OK, attention. Quand on va sur Amazon, c'est des fois, faut aller plus loin que l'article. Plus loin que le pain, comme on appelle. Plus loin que ouais. le bout de son nez. Petits cubes avec des lumières LED qui s'illuminent automatiquement lorsque placé dans du liquide froid. Parfait pour les soirées entre amis. Mesure 1,5 pouces par 1,25. Donc, c'est pas des cubes. Ce sont des prismes. Oui, je sais. Ce sont des prismes. Ça gâche tout. Et ce n'est pas recommandé pour les liquides qui vont être consommés. Ouais. Hein? Ouais. Ça veut dire que c'est comme plus de décoration que d'autres choses. OK, fait que tu pourrais faire prendre peut-être un pot-fleur transparent en hauteur, le remplir de liquide et mettre des cubes dedans juste pour décorer. Ouais. Mais sinon, ça sert à rien, c'est ça? Absolument à rien. C'est drôle, hein? Ben ouais. Moi, mais pourquoi est-ce que c'est écrit parfait pour n'importe quel type de drink? Tu peux pas le drink. Mais ça, c'est parce que, d'après moi, ma théorie est... Et mes théories sont toujours fautives à date, mais que la personne qui a écrit l'article est pas allée se renseigner. Ah, peut-être. Puis là, je fais juste répéter la même chose que l'article, moi, d'habitude. Ça se peut très bien. C'est ça, ça. Que ça c'est, genre, c'est ça. Donc, les lumières qui vont s'allumer automatiquement lorsque placées dans de l'eau et s'éteindre lorsqu'on les retire. Donc, tu vois, dans de l'eau, pas dans de l'alcool. Fait que finalement, ça sert à rien. Fait que finalement, je vais le répéter, là, mais ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir cette source-là comme article, probablement aussi. Probablement. Ensuite, un parapluie qui ressemble à une grosse feuille de laitue. C'est parfait, ça. C'est tellement réaliste qu'on va vouloir mettre de la vinaigrette à la place de la pluie sur son parapluie. On va vouloir qu'il pleut de la vinaigrette. Donc, le Japon qui est célèbre pour ses tout ce qui est fausse nourriture, que ce soit des souris en forme de pilon de poulet ou des sushis clés USB. Tu sais, il y en a plein. Oh, là, ouais. Le Japon, c'est à la mode. Donc, c'est Yuri Mano qui a inventé ce parapluie-là qui ressemble énormément à une feuille de laitue froissée. Il a fait froisser son parapluie, je sais pas comment il a fait, mais c'est parfait. En tout cas, je sais pas s'il est froissé, mais il a l'air froissé. Oui, oui, oui, mais c'est parce que c'est une laitue, c'est froissé. Ben oui, donc si t'es pour faire un parapluie en laitue, faut que tu le froisses. Donne-toi, tu sais. Au moins faire que la photo ait un certain relief. Donc c'est de la laitue romaine. Laitue. La laitue romaine. Oh! La laitue au Maine. voilà, donc ça vous protège des éléments. Génial. Des éléments? Des éléments. Ben... C'est pas un fourneau, là, mettons? Non, non, mais je sais pas si tu te fais lancer de la terre d'en face. Ben, c'est vrai que c'est un élément, mais oui, ça va te protéger. Oui, ça va te protéger. Quoi? Ben oui, mais pas beaucoup. Puis de si terre. Tu te fais lancer des boules de feu? Un peu moins, peut-être. Un peu moins. Ah, ça dépend dans quel univers tu vis. Ça va faire du kale séché. C'est ça la laitue séchée que tout le monde... Ben, pas tout le monde, mais que les granos mangent. Du kale, c'est pas de la laitue, c'est du chou frisé. Excuse-moi. Mais ce qui est séché, puis c'est comme c'est des croustilles de... Si tu viens de te le dire, c'est du chou frisé. C'est du kale qu'on fait avec ça. C'est... Oui, c'est okay. Ça, j'ai dit du kale, c'est du chou frisé. Peut-être qu'il en faut de la vraie laitue, je sais pas, moi. Ben, enfin, peut-être, mais ce qui est le classique, là, à la mode, c'est du kale. OK, parfait. Oui, c'est ça. Merci. Ensuite, tu viens de manger, mais peut-être pas du kale, peut-être que tu viens de manger du chocolat. Non, pas du chocolat, tu viens de manger n'importe quoi d'autre qui sent mauvais quand tu le pètes. De l'ail. De l'ail. Des asperges, des oignons. Quand tu le pètes. Quand tu pètes, quand tu flatules. Mais je sais pas, qu'est-ce qui donne des mauvaises odeurs? Les œufs. Les bines. Peut-être. Chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles, oui, tiens, voilà. Bah, chou de Bruxelles. OK, c'est dit. T'as mangé des choux de Bruxelles? Ben, j'en mangerai pas, probablement, parce que j'aime pas bien ça. c'est parce que c'est pas moi qui t'es offert. Ah, ben c'est ça, ben c'est ça, c'est la texture importante dans un chou de Bruxelles. C'est ça. Ce qui est trop mâchouillant ou trop dur. Sinon, c'est amer. C'est... Ouais. Ouais. Moi, j'aime quand il est mou et bien texturé. Bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce que si tu manges des choux Bruxelles, tes flatulences vont sentir mauvais. Ben ouais, ça c'est peut plate. Aller. Donc, c'est une nouvelle pilule qui a été inventée. Oui, oui, une pilule. C'est un homme français de 65 ans nommé Christian Poincheval. Shovel fist. Shovel. Shovel. Horse fist. Horse. Shovel. C'est une pelle, Shovel. Ouais, c'est ça. On n'est pas bilingue, t'as dit tantôt. Donc, Christian Poincheval, qui disait avoir inventé une pilule qui peut donner à vos flatulences l'odeur du chocolat. Il les vend sur son site web pour un prix très raisonnable de 12,50$ pour 60 capsules. Et apparemment, ça se. Il vend des pilules qui font que vos pets sentent les roses, littéralement, depuis des années. Donc, on sait pas si ces fragrances fonctionnent, mais quand même, il faudrait les essayer pour le savoir. Oh mon Dieu, je serais tellement curieuse. Ça s'appelle... le site de Monsieur Poincheval, Shovel Fist, Horse Shovel Fist, s'appelle pilulepet.com. Pilulepet.com. Oh, des jokes de pets. Et c'est le drôle. Site du lutin malin, c'est son nom, wow. Monsieur Poincheval. Oh mon Dieu. Le site officiel de la pilule qui la pilule pet qui parfume les flatulences. Oh. Invention française 100% naturelle, déposée et homologuée en laboratoire. C'était l'occasion. Hey, c'est en français pour une fois que je peux lire en français sans avoir à traduire instantanément. Tu devrais traduire en anglais. OK. Ever since... OK. Donc, c'était l'occasion d'un copieux repas entre amis que Christian Poincheval se dit que ce serait quand même bien de pouvoir se soulager sans pour autant déranger tout le voisinage. Ben, c'est parce que tu peux quand même faire du bruit, là. C'est dégueulasse. C'est... Pff, même ça sent le chocolat, là. Après de longues recherches en laboratoire et essais, la pilule pète est enfin née. Depuis, les articles de presse ne se comptent plus et les plateaux télé... arrache notre inventeur préféré. Ah, mon Dieu. C'est donc inventé de nouveaux produits et telle est la vocation du lutin malin, médaillé d'or au concours L'Épine en 1999. Mais tu vois pas qu'il a l'air un peu fucké, là? Il y a une chemise de clown puis un chapeau melon. Et une grosse barbe de Père Noël. C'est vrai qu'il a l'air d'un sympathique Père Noël. Ah, il vend aussi la poudre pète plein forme pour chien qui pète. Pour 29,90€. Ok, mais oh. Ben, ça va faire la maturité ici. Ah, oh, ça commence! Ok! On fait un test. Est-ce qu'on se prend une nouvelle chronique d'essayage de gadgets commandés sur Internet? On se ruine. On va se ruiner. Certains, celle-là, faut l'essayer. Regarde. J'aimerais tellement pouvoir me permettre de faire une chronique d'essayage de gadgets. On va pouvoir péter dans le micro magique. Puis dire ce que ça sent. On le fait dessus. Tu sais, pour les gadgets vraiment pas chers, on s'en commande comme, mettons, 5 pour dès le départ, ok? Là, on les reçoit graduellement parce qu'il y a des affaires en Chine, tu sais. Puis on essaye un par semaine. Ah, si tu payes! Ah, j'ai tellement envie. Ok, on s'en repart. Ensuite, Steph, on continue avec le bacon. Ça, c'est une bonne idée. Tu sais, pourquoi est-ce que ses pets sentent pas le bacon à Monsieur Poincheval? Et pourquoi est-ce que son cheval sent pas les points? On sait pas, il y a plein de questions sans réponse. Donc, quand on pensait ne pas avoir assez de bacon dans sa vie, Colin en voulait un nouveau qui vient d'arriver. C'est Bacon Scented Pillowcases de chez JD's Foods. C'est mon Dieu, je le voyais pas en tout. C'est une tête d'oreiller. Ben, ça n'a pas l'air d'une tête d'oreiller parce que le fond est blanc et l'oreiller est blanche, mais bon. Donc, à senteur, à odeur de bacon, Steph. C'est pas merveilleux. Yark. Et aussi, tu te réveilles, tu sens le bacon, tu veux te faire du bacon, tu fais du bacon, tu te ruines avec le bacon, c'est cher du bacon. Ouais, mais quand tu te couches, ça sent le bacon, c'est. Non. J'avoue que, ouais, peut-être qu'il pourrait y avoir un côté non baconisé. Et quand tu te lèves le matin, tu vides ton oreiller et ça sent le bacon. Je sais pas. Non, non, non, non, non, non. Non, non, non. Moi, j'aime mon air sans odeur. Même ouais. Si c'est du parfum qui sent bon, je préfère qu'il n'y ait pas d'odeur. Je peux comprendre. Ça coûte 13$, Steph. Sauf si c'est une odeur de biscuit qui cuit au four. Et sur le site baconsalt.3dcardstores.com, ça nous dit que présentement, ils ont une haute demande, une forte demande pour ce produit-là. Donc, il va y avoir des délais dans le shipping. On pourra pas commander pour notre nouvelle chronique d'essayage de gadgets. notre nouvelle chronique, oh, c'est... Je suis pas sûr qu'on va faire, c'est ça. Ensuite... Ah! Steph, ok. Une chance que je me suis pas écouté puis que j'ai pas enlevé la source de marde de tantôt, là, tu sais, qui me donnait des faux indices sur. Oh, ouais. Parce que c'est eux autres qui m'en sortent ils me sortent les meilleurs. Ils sont peut-être pas au courant, ben de grand chose, mais ils me sortent les meilleurs. Tu sais, quand tu manges un brownie, là, ouais. Quand tu pognes un bout du milieu, là, c'est pas parce qu'il manque de croûte. C'est vrai, ça. T'aimes ça, les coins? Oui, oui, c'est vrai, on aime les coins. Quand tu pognes un bout qui a deux coins. Avec la lasagne aussi, ah, moi, oui. J'ai besoin d'un coin. Je déteste manger un milieu de lasagne. Ben d'accord, le Chinese pâté. Le pâté chinois, hein? ça aussi. Le Chinese pâté. Non, je le mets pas au four. Moi, j'étais tranche, mais j'aime pas la croûte sur le pâté chinois. Je le mange froid, mon pâté chinois. Non, mais je fais juste comme une motte de patates pilées avec un mélange de blé d'Inde puis tu t'es caché à côté. C'est vrai, c'est parfait. J'aime pas la croûte sur les puis patates. Puis un bol de ketchup pour pouvoir le tremper parce que pas mettre ton ketchup mets sur ton pâté chinois. Pas de ketchup dans mon pâté chinois. Je me fais un coulis de beurre chaud dans un bol et je trempe ma bouchée à chaque bouchée. Ça serait parfait, ça. C'est tellement minimaliste. Donc, ça serait bon avec du beurre à l'ail. Oh boy. Eh boy, donne-moi pas des idées. Eh boy. Des idées de grinder. Pour le steak haché, pour faire du steak ouais, haché. Ouais. Des idées de grinder. Tu l'as déjà fait, ça, là? Non. Ben, je le trouve très drôle. Ah. En ce moment-là, j'ai comme envie de la noter, mais je suis en train de faire une chronique. Là. T'es en train de chroniquer. Je suis en train de me chroniquer. On disait comment ça s'appelle ça? Brownies. Oh oui, l'affaire brun. Des fois, tu manques de coin, Steph. Oui, oui, comme on vient de dire. Ben, Steph, là, 10 minutes. Mais c'est comme aussi la lasagne. Moi, j'ai ça. Ça, puis les Chinese pâtés. OK. Oui. Donc, tu veux te faire que des coins de brownies. Arrive au but, man. Arrive au but avant qu'on te gifle. C'est un moule à brownies, sauf qu'il est en zigzag, en labyrinthe. Donc, littéralement, t'as des corridors dans ton moule. Tu fais ton brownie comme à la normale et ça te donne minimum 2 coins par carré, même que certains vont, si tu fais un gros morceau, vont pouvoir avoir 3 côtés en croûte. C'est cool. Des côtés croûtés. Des crotés. Des crotés. Des crotés. Des crotés. Des crotés. 35,95$. Ce qui est bien aussi, c'est que quand tu t'en sers pas pour la cuisson, tu peux même te faire un petit labyrinthe à souris. Oui. En effet. Non, mais plus sérieusement, par exemple, il faut penser à réajuster le temps de cuisson avec un plat comme ça. C'est vrai. Parce que ça va pas cuire de la même façon. Donc, surveillez votre brownie si vous voulez plus de croûte. Ouais. Si moi, je peux même en rajouter, peut-être que tu pourrais faire des nachos avec ça. D'autres affaires qui ont besoin de côté croûté des fois. Des nachos? Mais ça. Pourquoi je comprends pas? C'est des côtés, les côtés fromagés comme bien un petit peu plus doré. Ouais. Sur les côtés qui touchent un mur. Ouais. Fait que tu fais plus de ça. OK. C'est des... Non? Peut-être. Moi, je trouve que oui. Peut-être. Moi, je trouve que oui. 35,95$, c'est le meilleur vendeur de la catégorie Specialty and Novelty Cake Pans en ce moment sur Amazon.com. Wow. Number one, et je les comprends. Oui, c'est vraiment cool. Ensuite, c'est un peu cher, 36$, mais bon. Pour l'utilisation que tu pourrais en faire... Peut-être pas tant. Écoute, je me suis acheté une plaque à biscuits. Je l'ai acheté en spécial, mais elle valait 20$. Ouais. C'est une plaque à biscuits bien ordinaire. Là. 16$ de plus, t'as des croûtes. Tu sais? Hein? Ensuite, et Amazon, en tout cas, je préfère et puis passer à un autre sujet puis revenir à l'ancien sujet comme 3 fois à date dans ce... Comme par exemple, si tu fais une lasagne dedans, ça pourrait être compliqué pour mettre tes pâtes. C'est vrai. Donc ensuite, on parle de... Ah, j'avais oublié de dire que... Ouais. Donc... un clavier, c'est cool. Sauf que un clavier d'ordinateur, tu peux pas verser de sirop d'érable dessus et mettre un morceau de beurre. Ben, tu peux, mais t'es juste maillé. Tu viens de gâcher un clavier parfaitement fonctionnel. Mais bon. Ben non, on n'a pas dit qu'il était fonctionnel. C'est vrai qu'il y a personne qui a dit ça. Mais à la place, imagine si tu pouvais vraiment le faire sur un clavier, mais gaufre. Gaufre-clavier. Un gaufre-clavier. Finalement, c'est une crustie de grosse gaufre. C'est ça. Donc, c'est Chris DeMino qui invente ça. Ça faisait 7 ans qu'il pensait à ça. Donc, c'est venu du désir de prendre une vieille machine à écrire Corona et puis de faire une gaufre avec. Donc, à la place, je sais pas, là, ça a avancé son idée, puis là, c'est devenu un clavier plus familier. Donc, c'est 2 plaques. C'est pas une machine avec du courant dedans, donc vous avez besoin d'avoir un four ou non. En tout cas, comment je compte ça? Vous avez besoin d'un fourneau pour réchauffer la surface, parce que c'est seulement des plaques qui vont faire la forme d'un clavier. Donc ça va donner une gaufre assez longue, qui serait assez geeky pas mal. C'est super professionnel en plus, avec la grosse poignée je sais pas si c'est en caoutchouc, mais en tout cas résistante. Ça doit être du silicone. Silicone pour résister à la chaleur. Et non, c'est ça. C'est super beau. C'est super le fun. Ça dit que c'est du wireless cooking sans fil, parce que c'est pas branché dans le mur, parce que ça chauffe pas. Génial. C'est juste des plaques. Ensuite, tu veux te libérer le colon, Steph. Je veux libérer le colon. Je te dis, tu veux te libérer le colon. C'est correct, tu peux y aller, je te libère. Oh oui. Hey, c'est-tu fin, ça? Mais tes céréales sont pas assez riches en fibres. Ah, OK. Non. Donc, les fibres, c'est bon pour toi, mais il n'y en a jamais assez pour te libérer le colon. Il te faut les colon blow. Incroyablement... Les colon blow. Donc, c'est un libère-colon, un libère-boyau, si on veut. C'est un souffle-boyau. Donc, c'est incroyablement élevé en fibres. C'est teneur élevé incroyablement en fibres. Et c'est des, ça peut être parfait comme collation parce que ça ressemble à des petits bio que tu pourrais manger à ton chien. Mais j'imagine que ça doit être délicieux. Hein, ça ne dit pas à quelle saveur c'est supposé goûter. Moi, je pense que ça goûte le carton. Ça se peut 30 000 fois le contenu de fibres de la marque régulière de céréales aux fibres. Aux fibres. Fibreuses. À saveur de fibres. À saveur de fibres fibreuses, comme on dit. 30 000 fois. Wow. Pour l'instant, c'est plus disponible sur Amazon, mais on vous dit de vous inscrire pour savoir quand ça va être disponible. Si on regarde le bol, ça a l'air vraiment de la du truc pour les hamsters, peut-être. Tu sais, là, de la... On dirait des copeaux de bois. Copeaux de bois pour les hamsters, c'est ça, je pense. Ouais. Bref, c'est ça. Les fibres. Je suis certaine que ça goûte la même chose. C'est très drôle à côté. Moi, j'ai une pub de Mini Wheats. Hein? Je trouve ça drôle. Wow. Mais c'est probablement voulu. Je trouve ça bien fait. C'est 16 onces, 453 grammes. Et c'est, ça nous dit dans le résumé que c'est un produit officiel de Saturday Night Live. Il y avait un sketch de ça dans le temps. Ah oui? Mais j'imagine que ça n'a pas autant de fibres que le sketch le disait. Mais bon, ça dit, ça fonctionne mieux que vous le croyez dans les commentaires. Il y a un commentaire de 52 Degrees qui a donné 5 étoiles. 15 personnes sur 16 ont trouvé ce commentaire, trouvaient que ça les aidait dans leur achat. Donc, quand t'es vraiment constipé, ça fonctionne bien. Ce produit fonctionne mais bien. Mais j'en doute pas que ça fonctionne bien, sauf que c'est juste pas appétissant comme nom. Puis la couleur est brune. Tu sais, la boîte est brune. Ouais. Hein. Ça va. Pas sûr. Pas sûr. Quand. Des fois, j'ai comme envie de continuer jusqu'à temps que la vie se termine, tu sais. Mais là, on embarquerait dans une autre thématique. Est-ce qu'on regarde ça pour la semaine prochaine? Ouais, oui, on va regarder ça. On va regarder ça la semaine prochaine. On fera la semaine prochaine un petit bloc pour les couples. OK. Tu sais, les cadeaux de couple, peut-être, pour les fêtes. Donc, ce sera la semaine prochaine dans Ça existe, ça ne devrait pas, on l'a. Magnifique. Cool. Mais pour l'instant, on s'est déjà rendu à notre prochain panneau publicitaire. On va revenir dans quelques instants avec une grosse pointe à l'adresse. Et là, pour le reste de l'émission, on va manger ou boire. Mais ça tombe bien, j'ai faim. Moi aussi. J'ai justement sorti mon muffin. J'ai justement jamais déjeuné de la session d'automne. C'est pas bien! Je sais, j'ai déjeuné une fois. Je pouvais pas résister, je suis allé à la cafétéria à prendre un petit déjeuner. Ah, bah c'est correct. Ça a bien fonctionné, ça. Et ça m'a libéré le colon, ça aussi. De retour dans deux minutes avec une grosse pointe d'adresse. Ça, c'est fou. 80 FM. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, on est toujours à Assemblage requis. On est mercredi 10 décembre 2014. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Aujourd'hui, j'ai une voix rock. Hein? Mais pas aussi rock que rock classique et rock de neurone. Hein? Deux émissions de rock qu'on a assez. C'est une plug. C'est une plug. Ouais, mais non, je trouve pas que t'as la voix si rauque que ça. Non, mais tu trouves pas que je suis comme. Je suis proche de m'étouffer comme tout le temps, genre, non? Pas plus que d'habitude. Pas plus que d'habitude, c'est bien vrai ça. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Rocky. Tantôt, on va avoir une grosse pointe en adresse, la chronique où on mange une chose malbouffe que j'ai achetée dans le commerce. Et ensuite, ce sera MasterChef où une malbouffe sera cuisinée à la main. Avec amour. Avec quand même des ingrédients du commerce. Là. Oui. Avec amour et haine un peu des fois, quand tu penses à moi, non? Haine? Non. Non? Dégoût? Non, non plus. OK, ben au moins, ça s'améliore. Non, mais je pense pas à toi, cuisiner. Non, c'est ça. Voici Kepler et Scaphandre à son âge requis. Ouais. Faites vos emplois si j'hallucine, si j'écris des noms à l'encre de Chine, partout sur les murs de mes pieds à ma tête. Si je deviens fou, si je m'élance dans le vide. Perdez pas votre temps à cogner à ma porte. Si je vous entends, j'ouvrirai pas. J'irai quelque part au fond de la

chez Chili's, 1350 calories, ça fait 4 et 3 quarts chez Burger. Sinon, ben, allons-y avec, tiens, une... Ah, ça, j'aime bien les bols à soupe en pain qu'on peut manger le bol après. Là. Ouais, ouais. Donc, chez Corner Bakery, il y a une soupe aux tomates dans un bol à pain. Un bol en pain, 1360 calories, ça fait 4 burgers et 3 quarts. Voyons donc, voyons donc. Ouais, mais bon, c'est ça, comme on l'a dit, il y avait une petite erreur là-dedans. On se demande c'est quoi l'idée, mais bon, c'est Vox.com. Mais on doit quand même se rappeler que si tu vas chez McDo, tu ne prends jamais seulement un cheeseburger. Non, tu prends les frites, les croquettes. Parce que déjà, de un, le cheeseburger, il y a, comment je dirais, fuck all là-dedans. Il y a absolument rien. C'est un petit burger vraiment mini-mince plat. Mais tu prends une frite puis tu prends une liqueur. Fait que c'est sûr que tu restes pas à 300 calories, là. Jamais de la vie. Mais bon. Ben, je te dirais, même cheeseburger, je pense que j'en mangerais deux tellement sont petits, là. C'est vrai, ben, je prends tout le temps un McPoulet, McValeur à côté. C'est ben bon. C'est ça. C'est bon. C'est ça, tu peux pas juste manger ça. Non, non, non. Voilà pour une grosse pointe en dresse. On fait ça les mardis habituellement dans l'assemblage requis. Au retour de la pause, on va continuer en cuisine tant qu'à s'être mis dans le bain pour ben ça. Ben oui, ben oui. Avec Master Steph, la recette cuisinée des mains de la maître elle-même, Stéphanie Paradis. Yeah. Yeah, on est de retour à l'assemblage requis. Restez avec nous. Elvis, yeah. Hell yeah, Elvis. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Stéphanie Paradis devant moi. Mathieu Plante est derrière moi. Ah, attends un peu. ça marche pas, là. On est mercredi. Oui. Et mercredi, typiquement parlant, on est là pour se faire plaisir. Mm. Ouais. Et cuisiner tous ensemble. Oui. Voici Master Steph. La chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. On attend rien que ça tout le temps. Ah, je suis très enthousiaste. C'est encore, bien entendu, la thématique des fêtes. On est le mois de décembre, on en profite. On fait des choses festives. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai préparé? Ce sont des boules de neige popcorn. Hein? Ben, en fait, c'est comme le nom d'origine, mais ça ressemble pas à ça du tout. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, bien entendu, aujourd'hui, je vais présenter les ingrédients et la préparation. Et si vous voulez suivre, si vous voulez voir un peu comment on fait ça, si vous voulez voir aussi le résultat, c'est tout simple. Vous allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Vous allez dans les photos. Très important de passer par les albums photos et de cliquer sur Master Steph si vous voulez avoir les photos dans le bon ordre. Et veux-tu un conseil de plus? Je sais que d'habitude, on dit tout le temps ça, puis ça fonctionne super bien à date. Là. Tu vois, dans les albums photos, c'est parfait. Ouais. Mais tu peux aussi, si tu veux, sur la page principale d'Assemblage Requis sur Facebook, scroller. Ils sont dans l'ordre, les chroniques, et les photos que tu as ajoutées sont dans l'ordre de quand tu les as ajoutées. Ah. Donc, tu peux cliquer sur la première photo de la galerie de n'importe quelle date. Comme, mettons, là, je suis rendu où il y avait du jus de pamplemousse rouge, c'est la tarte au pamplemousse rouge, genre rose. Dessin, puis rose, évidemment. Puis il y en a plein d'autres. Si tu continues de scroller, elles sont toutes là. Et comme on n'est pas super actifs sur Facebook, ils sont pas très éloignés. Bon, c'est parfait. Ça. Mais bon, c'est dit. Donc, aujourd'hui, boule de neige de popcorn, quels ingrédients avez-vous besoin? Ça vous prend premièrement une demi-tasse de grains de maïs à éclater. Ensuite, ça vous prend 3 cuillères à soupe d'huile de canola et une demi-tasse de sucre granulé. Ensuite, ça vous prend 4 cuillères à soupe de beurre, 5 tasses de mini-guimauve. Ça, je vous le dis, moi, je suis pas très bonne dans les quantités à l'œil. Okay. Fait que moi, j'ai regardé le petit sac de guimauve. Je me suis dit, ah, crime d'avoir quoi? 2-3 tasses là-dedans? Je vais en prendre 3 ou quoi? Mais finalement, il y a 5 tasses, un petit sac. Fait que j'ai comme 2 sacs de guimauve à la maison de lousse, donc il va falloir que je trouve autre chose à faire avec les petites guimauves. Mais juste pour dire que je suis vraiment pas bonne. Ensuite, ça prend un quart de cuillère à thé de sel, un quart de cuillère à thé d'extrait de vanille, une tasse de M&M et des sprinkles. Des sprinkles de bonbons? Ouais. Bien. Ben oui, idéalement, là, faut que ça se mange. Donc, pas des sprinkles de pas bonbons. Genre, pour décorer. T'as-tu de la misère avec la console? Tu me déranges. Pas en tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Oublie ça, Steph. Non, explique-moi. Non, c'est sûr que ça intéresse tout le monde. Ça intéresse personne que l'aiguille de droite ne fonctionne pas sur la console. Ça change absolument rien. C'est sûr que si tu tapes dessus, ça va régler le problème. Comme un ordinateur. T'es drôle, Steph. Ensuite, la préparation. Eh bien, on commence avec les photos très, très bientôt. Donc, premièrement, on va chauffer une casserole à fond épais, à feu moyen. Et il faut pas se tromper, il faut pas chauffer une casserole à feu épais à fond moyen. Attends un peu. Oui. Il faut pas un épais qui va servir de la poêle à fond. Quelque chose de même. C'est ça, okay. Donc, ensuite, on va à la photo 1. On commence maintenant avec boule de neige popcorn. On va ajouter l'huile et les graines de maïs à éclater. Et on va mélanger jusqu'à ce qu'il soit enrobé d'huile. Ça ressemble à du popcorn avec ça du popcorn. Hein? Ça ressemble à du popcorn avec ça du popcorn. Oui, c'est ça. Oui. Ensuite, photo 2. Quand l'huile devient chaude et grésille, on va ajouter le sucre. Hein? Ça fait comme des genres de petits cristaux. Ouais, parce que ça a comme pogné dans l'huile, là, à un moment donné, ça va comme fondre. Là, je parle pas de Christo, l'imbécile humoriste de la Musique Plus. Excuse-moi, le drôle humoriste de la Musique Plus. Ah, oh, celui-là qui avait une émission, ah, là, drôle, à Vrac, là. Christopher Williams. Ouais. Oh. Je l'ai. Oh non. Je l'ai pas partout. Oh, non, pas capable. Non. Ok. Ça fait pas ça. Non, c'est ça, ça vous donnera pas de Christopher Williams dans votre chaudron. Au pire, il va éclater. Avec les grains. Donc, c'est ça. Et là, on va mettre le couvercle et on va secouer la casserole jusqu'à ce que les grains aient terminé d'éclater. Mm-hmm. Et c'est important de toujours secouer hein, la ouais. casserole si on veut pas que les grains brûlent. On veut pas qu'ils soient toujours en contact au même endroit dans la casserole. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le sucre va fondre et le popcorn va éclater dans du caramel. Hein? Donc, il va comme se caraméliser. C'est super intéressant. Ensuite, on va à la photo 3. On enlève la casserole du feu et on verse le popcorn dans un grand bol pour laisser refroidir. Mm-hmm. Et déjà, là, juste comme ça, le popcorn est très, très bon. Il a l'air d'un vrai popcorn. Tu sais, j'y ai goûté, là, pis, mais il y a juste une petite couche de caramel autour. C'est super bon. Génial. Mais on va quand même continuer à travailler notre popcorn. On veut aller plus loin encore. Donc, à la photo 4, dans une petite casserole, on va chauffer le beurre et les guimauves à feu moyen. Photo 5, on va mélanger constamment jusqu'à ce que les guimauves aient fondu. Ça va nous donner, tu sais, le fluff à tartiner. Ben oui, là. Ben oui. Donc, ça va nous donner ça. C'est bon, ça, une fois par année, comme ça, tu te tannes. Le fluff. Ouais, ouais, c'est ça. Je l'achète souvent, ben pas souvent, une fois par 2-3 ans. Mais ça dure longtemps, ça est tellement dessus. Donc, c'est ça, on va mélanger constamment jusqu'à ce que les guimauves aient fondu. Quand c'est fondu, on retire du feu, on ajoute le sel et l'extrait de vanille, on mélange bien. Ensuite, photo 6, on va verser sur le popcorn et enrober de guimauve fondue. Ensuite, photo 7 et 8, on va ajouter les M&M et les sprinkles et on va mélanger. Oui, ensuite, c'est ça. Ensuite, photo 9, on va, tu vas couvrir tes mains, Mathieu, c'est important, soit avec une mince couche de beurre ou d'huile de coco. Comme ça, tu vas pouvoir former des boules, là, j'ai écrit 2 pouces, là, mais c'est de 3 pouces de diamètre avec le mélange. Et tu vas déposer sur un papier ciré ou un papier parchemin jusqu'à refroidissement complet, environ 30 minutes. Quelle bonne idée. Moi, c'est le paradis. Ça n'a pas marché. Non. J'ai mis de l'huile de coco, mais ça absorbait, là. Fait que ça marchait pas, là. Fait que j'ai un petit peu abandonné, en tout cas. Sorbet. Fait que bref, là, moi, je l'ai juste étendu sur une plaque de biscuits avec du papier parchemin pour faire un carré Rice Krispies traditionnel, mm-hmm. si on veut. Et on a le résultat en photo 10. Donc, on a tout simplement besoin de couper en... Dans la forme désirée, donc des carrés. Et là, tu as pris des Smarties mauve et vert. Mais c'est sûr que je vais expliquer. Donc, oui. Justement, je suis allée dans un magasin en vrac, hein, random, pour acheter moi, personne des, a 1000, hein. des M&M et des Sprinkles. Mais dans la recette d'origine, c'est des boules et c'est supposé être des boules de neige. Donc, qui étaient faites avec des M&M bleus et des Sprinkles en forme de flocons de neige. Mais moi, j'en ai pas trouvé. Fait que je suis allée avec des couleurs plus traditionnelles de Noël, donc le rouge et le vert. Donc, j'ai seulement trouvé des Smarties rouges et vertes. Et je me suis dit que ça ferait parfaitement l'affaire. Donc, pour les Sprinkles, ce sont des houes que vous, vous savez, là, les deux petites feuilles vertes avec les petits fruits rouges au milieu, là, ouais. Comme la petite plante de Noël traditionnelle. Donc, c'est ce que représentent les petits sprinkles. Aussi, bon, comme je disais tantôt, faire des boules, sérieusement, je pense pas que c'est possible avec ça. L'huile de coco, même avec l'huile de coco plein les mains, c'est pas trop long que le mélange a absorbé l'huile. Donc, j'avais juste les mains plein de popcorn, ouais. qui s'étirait avec le fluff de guimauve. C'est pour combien de lavage de main pour t'en débarrasser? Ah, mais j'avais de l'huile de coco, ça a super bien parti, mais ça restait pas collé ensemble, ça fonctionnait pas. Donc, ben c'est ça, je suis fait comme avec des carrés Rice Krispies traditionnels, je l'ai étalé sur une plaque pour ensuite couper en carrés. C'est ça, hein? Il faut pas se casser la tête, là, manger des sucreries, ça devrait pas être synonyme de dépression nerveuse. Ben fait que je me suis pas fait suer plus que 5 secondes, j'ai vu « ça marche pas! » Fuck off, ça sera pas des boules de popcorn. C'est en plein ça que je me suis dit. La catchphrase 2014. Ça va goûter la même chose, c'est juste que ça sera pas des boules. Oui. C'est pas grave, hein? T'en as assez de boules, même. Ouais, c'est ça, c'est en masse. T'sais. Bon, pis c'est pas à moi de te fournir des boules. Non, non. C'est ça. Je m'en passe. Fait que... touche les tiens. Est-ce qu'on est prêt à écouter sur ça, on va aller en musique... Et on s'en va entendre Snowball de Stu Thomas Paradox. Aïe, aïe, le paradoxe de Thomas Stu. Oui, pas Stu, Thomas. Pas Stu comme dans Ragout, là, mais Stu. Ok, parce que c'était une chanson. Stu. Mettons, tu nous cuisines un ragout un jour, ressors-nous le Stu le Thomas Stu. Paradox. Non, mais on va écouter genre du Rob Stewart. Ah! Eh hey, bon! Eh hey, bon! Ben non, je sais pas. Moi? Oui. Ok. For mutual admiration. C'était Snowball de Stu Thomas Paradox. Vous êtes toujours à Master Steph à Assemblage Rocky et on cuisine pour vous des boules de neige popcorn, mais carrées puis rouges et vertes. Non, c'est comme une recette, mais adaptée par Steph. C'est ça, avec les produits que j'avais et les capacités mentales à produire des boules qui étaient juste absentes. C'est ça. On a parlé de Smarties un petit peu pendant la pause musicale. Comme de quoi que les Smarties, c'est vraiment pas aussi bon que des M&M. Ça goûte vraiment artificiel, cette histoire-là. C'est vraiment pas bon. J'avoue, ben, en tout cas, tout seul, là, on s'entend, c'est pas pareil. Ouais, oui. Tu sais, si tu manges un McFlurry ou Smarties, là, c'est super bon. Ouais, oui. Mais... Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé des Smarties tout seul. Fait que là, il m'en est resté de la recette. Puis là, je mangeais ça, puis voyons, ça goûte artificiel. Ouais. Puis là, tu sentais le goût de colorant. Même, j'avais l'impression que les Smarties vertes goûtaient comme un peu le foin. J'ai l'impression qu'ils ont coloré leurs Smarties avec du foin. C'est bizarre. J'avais des Smarties dans mes bonbons d'Halloween, puis Colin, j'étais sûr qu'ils étaient passés date. J'étais sûr certain qu'ils étaient passés date. Non, ils sont juste pas bons. C'est ça le goût, mais il me semble que c'était meilleur dans le temps. Pas mal sûr. Mais moi, je pense que c'est parce qu'on était jeunes, naïfs, que notre goût n'était pas développé. Et avant, je mangeais pas de M&M. Ah. C'était quand même long dans ma vie, je te dirais, avant que je découvre le M&M. La joie des M&M. Ouais. T'es la seule personne que je connais qui dit M&M au lieu des M&M. La première que j'entends. Ah, je sais pas. Ça doit changer au feeling. Peut-être qu'en Gaspésie, c'est le même. T'sais. C'est crabe, puis c'est... Non, mais c'est parce que M&M, c'est un chanteur. C'est ça. Depuis qu'un chanteur, il a pris la priorité. Ouais. Donc, on était dans Master Steph. Oui, et moi, je suis prête à goûter à mes boules carrées. Oui, tes boules Prismacolor, qu'on va ouvrir évidemment dans le micro magique. Ben oui, parce que c'est super pertinent d'ouvrir mon plat plastique. Ben, mais ça. Et c'est pas du Tupperware. C'est malheureusement pas du Tupperware. Oh! On entend le papier, la subtilité du papier, comment t'appelles ça? Parchemin. Oui. Fais-nous entendre le papier parchemin. Je cherchais mes carrés. Uh-huh. Oh, ça sent bon! Ah, que ça a l'air bon! De loin, en tout cas. C'est pareil comme sa photo parce que c'est une photo de ça que t'as pris. Pas mal pour ça. Je te dirais que c'est même les mêmes que ceux de la photo. OK. Donc, ça n'a pas le choix d'y ressembler. Est-ce que ça a collé un petit peu à ton papier, pas tant, non? Non, ça, non, vraiment pas sur le papier, mais ils ont collé un peu entre eux. Ouh, mais l'odeur! Mais le papier parchemin, c'est magique, là. Faut pas croire que ça colle jamais, là. Non, non, c'est la meilleure chose qui a jamais été inventée. Tellement. Vraiment. Donc, je vais m'en casser un petit bout pour pas prendre le truc au complet. Pourquoi? Parce que je veux être capable de le manier, je te dirais. OK. Non, j'y arrive. Quand même, c'est beau, c'est tout lustré. OK, je suis prêt. Je vais m'éloigner un petit peu encore. OK. On goûte à ça, là? Mais on est prêt. OK. On y va. Mais voyons. C'est collant. Oh, oui. C'est collant. La guimauve, elle crée un genre d'effet de mâchouillement que j'aime bien. Et là, tu pas, il y a une croquette dans Smarties. Mais c'est vraiment pareil comme des carrés à Srispies, mais en remplaçant le maïs soufflé par du popcorn, c'est vraiment bon. Oui, et le salé est là physiquement. Ça goûte un peu le beurre. C'est le beurre du popcorn, j'imagine. Mais non, parce que c'est du popcorn nature, mais il y a du beurre dans la guimauve. Ah, c'est ça, OK. Il y a un peu de sel aussi. OK, OK. Sais-tu, je pense que je rajouterais un petit peu plus de sel pour faire un peu plus sucré salé. Ça serait vraiment cool. C'est parfait. Parce que non, c'est vraiment... c'est délicieux. C'est bon de croiser du chocolat aussi à travers. Ouais, c'est juste assez sucré. C'est vrai que c'est pas trop sucré. Étonnamment. Ça dérange pas. Ben, Colin, hein. Et c'est le popcorn qui est sucré. Ouais, c'est sûr, un peu la guimauve. Mais étant donné que le popcorn s'est fait éclater dans le sucre, je trouve ça totalement merveilleux. Mm-hmm. Et fais quand même attention, parce que peut-être qu'il reste des grains non éclatés à travers, là. Tant mieux. Parce que t'aimes ça, toi, croquer là-dedans puis casser les dents? Pas me casser les dents, mais bon. En tout cas, c'est ça, faut faire attention, parce que c'est... Je pouvais... Ils ont pas tombé dans le fond du bol comme ça le fait normalement, parce qu'ils étaient enrobés de caramel. Donc, ça a tout pogné en pain un peu dans le plat. Fait que ça, c'était plus difficile de trier. J'en ai quand même enlevé. Mais il n'y en avait pas beaucoup de ce que j'ai vu. Mais il faut quand même faire attention. Pas se casser une dent. Ouais, on croque avec attention. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, c'était des boules de neige au popcorn. Comment t'as appelé ça ton nom officiellement? C'était des... Ben, c'était des boules de neige popcorn. Voilà. Carré. Carré. Prisme. Ouais. En fait. Ben, c'est ça. C'est ça. Pas un cube, en tout cas. Ben, j'aurais pu faire des cubes, mais il aurait fallu que je mette plus épais. Tu mesures les côtés. Oh, ça aurait été long. Non, c'est ça, ne tentait pas de me faire ça. Et après avoir goûté à cette magnifique recette, c'est le moment des trucs et astuces, hein? C'est ça? On n'est pas rendu à la bonne place dans tout. Excuse-moi. Ah, t'as raison. OK, c'est ça. Okay. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On attend? Ben, on parle un petit peu plus. Hein. Ouais. Mais finalement, ouais, mettons une note sur 10. Une note sur 10? Pour la recette. Je dirais, t'as un peu, parce que si tu commences à donner des notes trop hautes, ça fait que les autres vont avoir l'air. Ah non, c'est ça, ben oui, c'est ça. Fait que je dirais avec un 8.5. Ben quand même. C'est bon, hein? Quand même. Parce que pour vrai, tu sais, je me rappelle des super excellentes recettes que t'as faites qui m'ont vraiment comme marqué. Je peux pas donner Est-ce que tu pourrais dire, est-ce que tu te souviens de celle que t'aurais préférée jusqu'à présent? Ouais, parce qu'on a quand même fait beaucoup, là. On a fait vraiment beaucoup. Attends, je scroll sur le site en même temps que vous. C'est sûr que là, on voit juste les premières photos, fait que c'est difficile à dire. Mais il y avait une affaire à un moment donné, là, qui était. Le brioche au bacon. C'est super simple, mais j'ai vraiment adoré ça. C'est tu peux même t'en bon. Faire toi-même. Je ça. Sais bien, je sais bien. Ça, c'était quoi ça? Ah! Le truc, oui, c'est celle-là, je pense. Attends un peu si j'avance dedans. L'écorce d'Halloween. C'est super ah, bon, ben ça. Ah, ben oui, ben oui. Ah oui. Je dirais. Ça commence à être long, mais attends un peu. Je pense qu'on arrive au bout de la toune qu'il nous faut. Je pense que ça va être là. Moi, j'ai vraiment le goût de me refaire les bretzels briochés, là. Oui. C'est ce que j'ai hâte, moi, à Noël, où on va pouvoir réentendre toutes ces chroniques-là en même temps. Oh! C'est-tu bientôt le bout de la toune, parce que ça commence à être. Je sais pas. Tu vois? Non, hein. Avance-les. Ouais, t'as un peu. Comme ça. Non, peut-être plus par en arrière. Je pense que c'était plus par en arrière. T'as peu. J'aime ça par en arrière. Non. Ça va être là. Non, pas là. Ici. Non. Là. Ça va être là. OK. C'est même pas là, je sais pas. OK, bon, donc, truc et astuce. Bon, truc et astuce. Truc et astuce. Bon, hey, qu'est-ce qu'on fait avec de l'ail? Les deux premiers de ma vie. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec de l'ail? Ben, plus les... Savais-tu que plus les gousses sont grosses, plus leur goût sera doux, OK? Et les petites gousses ont tendance à être piquantes et amères. Plus la gousse est fraîche, pas trop dure à l'entame, plus son goût sera subtil. Ah. C'est intéressant hein, de savoir ben oui. que les différentes grosseurs de gousses changent le goût. C'est bon à savoir avant de se mettre les gousses dans la bouche. Exactement. Ensuite, petite information sur les bananes. Mm-hmm. Pour pas perdre des restants de bananes mûres, moi j'achète ça vraiment... J'achète tout le temps plein de régimes de bananes par semaine. Là. J'ai vraiment pratiquement une culture de bananes chez nous. À place d'avoir un gym, t'as vraiment un régime de bananes. C'est exactement. Pour juste des bananes, il y en a accroché de partout. Puis j'ai deux, trois singes qui se sont infiltrés aussi à faire attention, ça attire. Donc, c'est ça, si vous avez des bananes mûres, trop mûres en fait, et que vous voulez pas les manger comme ça, mettez-les directement au congélateur avec la pelure. Donc, vous pourrez les faire dégeler une minute au micro-ondes et vous pourrez les utiliser pour des gâteaux, des muffins ou des biscuits aux bananes. Donc, c'est très, très simple. Au micro-ondes, on coupe le bout et on sploute. On sploute. Le contenu de banane qui est déjà en purée, donc même pas besoin de l'effoirer. Cool. Ensuite, on parle un peu du beurre. Pour éviter qu'il brûle pendant la cuisson, on va ajouter un peu d'huile dedans. Comme ça, ça va l'empêcher de brunir. Ah. Tu sais, ça peut être bon, là, du beurre brun, faire cuire un steak, mais c'est super cancérigène, c'est dangereux. Donc, ajoutez un peu d'huile. Et ben. Ensuite, les blancs d'œufs. Pour monter plus facilement un blanc d'œuf en neige, ajoute une pincée de sel et sortez-les un peu du frigo pour qu'ils soient à température ambiante. Ça va être beaucoup plus facile de les monter en neige. Et sinon, toujours avec les blancs d'œufs, j'ai quelques idées peut-être pour les utiliser. Hein, des fois, peut-être dans une recette, des fois, il faut que tu utilises 1, 2, 3 jaunes d'œufs, mais pas les blancs. Mais on les jette pas. On peut faire plein de choses avec ça. Par exemple, on peut faire un blanc d'œuf ajouté à des œufs brouillés. Ça va le faire prendre plus rapidement. Ah. Ensuite, un blanc d'œuf battu en neige ferme et incorporé à de la crème fouettée va augmenter son volume. Donc, ça peut être très bien pour décorer une coupe de fruits ou un dessert, par exemple. Ensuite, un blanc d'œuf va rendre une mayonnaise mousseuse et plus légère, ce qui peut être intéressant. Sinon, un blanc d'œuf battu va transformer une compote de fruits en mousse. Ça peut être intéressant pour un petit dessert rapide. Sinon, toute pâte à frire additionnée d'1 ou 2 blancs d'œufs battus en neige sera délicieuse, légère et économique. Vous l'utiliserez pour enrober un reste de viande ou de légumes, comme dans la recette de tempura, par exemple, avec un blanc d'œuf. Tempura plus, tellement ça va être bon! C'est exactement ça. Ensuite, enduisez de blanc d'œuf le bord d'une tarte pour lui donner plus de brillant. Hein, pourquoi pas? Mm-hmm. Et sinon, si vous préparez une quiche dans laquelle vous utilisez un jaune de plus, ben, badigeonnez le fond de la tarte avec le blanc battu en neige. Comme ça, la garniture va pas détremper la pâte pendant la cuisson. Voilà, plein de beaux petits trucs avec les blancs d'œufs. Hey, hein? Ça en fait des choses à retenir, ça, c'est super. Mais sinon, toutes les notes sont là, là. Ben oui, tout est là. Tout est sur la page Truc Facebook. Truc et astuces. Ah, c'était là, hein. C'était à 31 minutes 39. Truc et astuces. Horaire inversé. Donc, merci Steph pour ta chronique Master Steph. Ça me fait plaisir. On retrouve encore une fois la recette sur la page Facebook d'Assemblage Requis et sur assemblagerequis.com. Exactement. Voilà. Voilà. Comme on l'a dit pendant les fêtes, il va y avoir des émissions spéciales où on va regrouper ces chroniques-là ensemble. On vous en reparlera d'ici là. Hein? Régurgiter, t'as dit. Régurgiter ces chroniques-là, c'est bon. Ça. C'est bon, ça? Ingurgiter, ça serait peut-être mieux. Ouais. Mais pour l'instant, avant de terminer l'émission, juste le temps de vous dire que c'est le 24 heures d'études de la GEQTR qui commence ce matin. Ah! Ça commence à 8. C'est commencé depuis 8 heures, en fait, depuis 1 heure et demie. Alors, ce mercredi matin, 10 décembre, ça continue jusqu'à demain, jeudi matin, à 8 heures. Café offert toute la nuit de 21h à 8h ce soir. Si t'en as assez de passer tes soirées sur 9gag et Facebook plutôt que de faire des travaux, si ton appartement étincelle quand tu nettoies plutôt que travailler, t'as écouté une saison complète de Walking Dead en une journée, tes power naps se transforment en sieste qui dure 5 heures. Donc, venez étudier avec l'AGE au 10-12. Les 10 et 11 décembre, on ne dort pas. Et apportez votre tasse en passant. C'est dit. Merveilleux. Le message est fait, tout le monde. Le message est fait. Nous, ça va être la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. Ah. Oh, déjà? Ah, c'est plate, hein, quand ça arrive. Si ça arrivait pas tous les jours, mais on sera de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes. Plus tard aujourd'hui, il y aura Dîner de con à 11h avec Danny Janvier. À 13h, c'est Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 14h, la première partie de l'émission spéciale C'était fou en 2014 avec moi et Jean-Philippe Charbonneau. À 17h, la rediffusion de Palmarès du monde. À 18h, Audiomatique, c'est tout nouveau avec de la musique électronique. À 19h, même chose, nouveau, Les Audacieuses avec des découvertes musicales. Cifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Demain, on va être jeudi, on va avoir Laurent Constantin. Oh. Et le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Oh, c'est moi. Ça va être bon, ça c'est demain. Mais bon, pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Steph. Mais merci Mathieu. Ah, oh, ça me fait plaisir. Là. Merci à personne d'autre. Non, non, le public, là, tu sais. Non, c'est grâce à eux qu'on peut continuer. on se quitte avec une pièce de Rich Aquin, Four More Years. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendu. Bonne idée. C'est bon ça. On se quitte là-dessus, puis à demain. Bye Steph. Bye Mathieu.